Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire pour la suite du monde, le premier long-métrage canadien présenté au Festival de Cannes. Pour moi, faire le film pour la suite du monde, ça n'a pas été faire un film, ça a été prendre un marsouin avec les gens des Lougoud. Et comme j'avais autant que envie de le prendre, j'ai mis l'épaule à la roue. Ça a été ma façon de permettre le film et de stimuler jusqu'à un certain point l'action sans la prévoir, sans la conditionner. Le réalisateur Pierre Perrault, à l'émission Carnet de voyage en 1969, c'est quelques années plus tôt, en 1963, que Pierre Perrault et Michel Brault débarquent sur la Croisette à Cannes pour y présenter leur documentaire sur les habitants de l'île aux Coudes et sur la pêche aux marsouins dans le fleuve Saint-Laurent. Pour la suite du monde devient alors le premier film canadien à être présenté en compétition officielle à Cannes, mais Pour la suite du monde est aussi l'un des films fondateurs de notre cinéma national, comme vient d'ailleurs de le reconnaître le gouvernement du Québec. Brillant exemple de ce qu'on a appelé le cinéma direct ou le cinéma vérité, Pour la suite du monde a en quelque sorte révolutionné la façon de faire du documentaire. Ben, j'ai dit comme ça, moi je pourrais pas danser, me voulais encore à manger pour tourlouter. Mes petits amis, après avoir lu les grandes aventures de Jacques Cartier, dans son voyage de 1535, je trouvais un bout que je crois qui va vous intéresser. Donc, je vais essayer de vous le lire le mieux que mon pouvoir par rapport à ce qu'il est écrit sur le vieux français. Le sixième jour du 10 mois, avec bon vent, fîmes courir à Mans, le dit fleuve, environ 15 lieues. Et, aux âmes, à une île qui est bord à la terre du nord, et c'est une fort bonne terre, et grosse, pleine de beaux et grands arbres, de plusieurs sortes. Et entre autres, il y a plusieurs coudres que nous trouvâmes fort chargées de noisettes. Et pour ça, la nommâme île aux coudres. Extrait du film « Pour la suite du monde » de Pierre Perrault et Michel Brault pour nous parler de l'importance de ce film, pour nous raconter aussi la petite histoire derrière ce grand film. Je reçois André Lavoie, qui est critique de cinéma au journal Le Devoir. André Lavoie, bonjour. Bonjour, Jacques. Pourquoi, André, « Pour la suite du monde » est un film si important? D'abord, c'est un exemple extraordinaire d'un sujet éminemment local qui devient complètement universel. C'est l'histoire des gens qu'à l'époque, on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais entendu et qui s'inscrivent justement dans la suite du monde, qui racontent leurs traditions, qui s'inquiètent pour leur présent, qui regardent l'avenir avec un peu d'inquiétude et qui sont, aux yeux des premiers spectateurs qui vont voir le film, complètement atypiques, complètement un peu étranges, mais qui s'inscrivent dans la trame de l'histoire du Québec. D'ailleurs, on vient de l'entendre avec cet extrait de Jacques Cartier qui raconte, dans le fond, sa découverte de l'île aux Coudes. Alors, c'est l'expression d'une histoire, d'une tradition et d'un regard aussi porté vers l'avenir, mais un regard inquiet. Ouais. Il y a quelque chose d'anthropologique aussi. Complètement. Ethnographique, anthropologique, voilà. Mais fait avec talent, avec beaucoup de tendresse, avec une grande écoute, avec une connaissance profonde des gens qui sont filmés. Et c'est ça que, dès la sortie du film, dès la réalisation, les gens ont remarqué ça tout de suite. Le mot qui revenait souvent, c'est sincérité. Ouais. La sincérité des gens et la sincérité du regard de Pierre Perrault et de Michel Brault sur ces gens-là. Et pour la suite du monde, c'est aussi sur le plan de la manière de tourner le documentaire, entre autres. C'est un film important. C'est un film qui a un peu révolutionné la manière dont on faisait du documentaire. On appelle ce cinéma-là cinéma direct, cinéma vérité. Commençons par l'aspect plus technique, l'aspect cinéma direct, qui est beaucoup associé, dans le cas de Pour la suite du monde, au travail de Michel Brault. Quelle importance a Pour la suite du monde dans cette démarche, dans l'arrivée du cinéma direct? Puis qu'est-ce que c'est, de fait, que le cinéma direct? Ben, dans le fond, pour définir le cinéma direct, on pourrait expliquer ce qu'était le documentaire avant l'arrivée du cinéma direct. Alors, c'est très simple. C'était souvent un cinéma avec un narrateur, une voix hors champ qui nous expliquait les choses. Tout était bien calibré, bien filmé, les cadrages impeccables. Il y avait beaucoup d'informations, mais pas nécessairement beaucoup de vie. Alors, les cinéastes qui ont défendu cette approche du cinéma direct, entre autres Michel Brault, c'était cette idée qu'il faut laisser parler les gens, il faut être à l'écoute, il faut être aussi au milieu de l'action. Oui. Et les caméras légères, le son synchrone, une pellicule plus sensible qui faisait en sorte que les éclairages pouvaient être moins, je dirais, agressifs, moins imposants. Toute cette légèreté-là faisait en sorte que l'équipe de cinéma pouvait s'approcher davantage des gens, pouvait s'inscrire à l'intérieur des événements, les observer. Et ça, à l'époque, c'est une véritable révolution. Plus besoin de trépied, moins d'éclairage. Au fond, c'est le début, puis ça aura une influence éventuellement à la télévision. C'est le reportage, la technique reportage, au fond. Oui, mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cinéma direct laisse la parole aux gens. Oui. Et à l'époque aussi, ce qui était assez audacieux, c'est qu'on faisait la promotion du bon parler français dans les écoles et à Radio-Canada, entre autres, beaucoup. Et là, tout à coup, on a des gens qui parlent le langage du quotidien, qui ont une parlure singulière, et c'est une façon de s'exprimer qu'on n'entend pratiquement jamais à la télévision, certainement pas au cinéma. Et là, tout à coup, ces personnages-là deviennent un peu mythiques, parce que d'abord, ce sont des gens qu'on n'a jamais vus, qu'on n'entendait pas. Et là, tout à coup, ils s'expriment avec beaucoup, beaucoup de sincérité, de candeur, et rarement, sinon jamais, et c'est ça un autre grand aspect important pour la suite du monde, c'est que ce n'est pas dans le cadre d'entrevues. Ouais. Ce sont des contes, des dialogues, des échanges, des fois des chicanes. Ce n'est pas un intervieweur qui dit « Dites-moi quelque chose, parlez-moi de la pêche au marsouin. » Ce sont les personnages qui, entre eux... Qui pêchent le marsouin. Exactement. Qui se nourrissent les uns les autres du discours de chacun, de leurs différences, tous les échanges de points de vue se font entre eux. Ce n'est pas l'intervieweur qui dit « Vous allez me parler de ça. » Et cette langue dont vous parlez, la langue du peuple, cette réalité qu'on nous montre, c'est vrai que j'écoutais pour préparer l'émission des réactions de... Le film va être présenté à Cannes, on y reviendra plus tard. Il est présenté, bien sûr, au Québec, à Montréal. Et un des commentaires de Québécois qui ont vu le film à l'époque, en 63, qui revient tout le temps, c'est « Je me reconnaissais dans ce que je voyais à l'écran. » Ça, c'est assez nouveau, effectivement, avec « Pour la suite du monde ». Cinéma direct, donc, sur la technique plus légère. Cinéma vérité, là, on entre plus dans la manière, ce que nous dit, la façon dont Perrault, par exemple, va développer cette démarche de cinéma direct que lui va appeler cinéma vécu, qu'on a beaucoup appelé cinéma vérité. On y vient dans un instant, mais d'abord, un petit extrait. Ça commence à la fin des années 50, début des années 60, le cinéma direct, le cinéma vérité. Roman Polanski, qui, au micro d'Andréane Lafont, à l'émission Aujourd'hui, en 1963, nous dit ce qu'il pense de ce fameux cinéma vérité qui vient d'arriver. Monsieur Polanski, que pensez-vous du cinéma vérité? Le cinéma vérité, c'est pas le genre qui m'est très, très proche. Moi, je suis plutôt pour le cinéma mensonge. Et cependant, j'ai vu des films cinéma vérité qui m'ont beaucoup plu. Et il faut que je dise en toute franchise que j'aime surtout un film canadien qui s'appelle Pour la suite du monde, qui était présenté à Cannes et qui était ensuite présenté pendant un festival à Évreux, en France, où j'étais dans le jury, où on a donné les grands prix à ce film. C'est beau, cette formule qu'utilise Roman Polanski qui dit « Je préfère, moi, le cinéma mensonge, la fiction, au cinéma vérité ». C'est une belle formule. C'est une formule aussi intéressante sur ce que c'est vraiment que le cinéma vérité, dans quelle mesure la vérité est présente dans le cinéma vérité, dans quelle mesure il y a ou pas une forme de manipulation de la réalité dans le cinéma vérité. Commençons par parler du cinéma vérité globalement, de celui que fera Perrault. Comment le définir? Et comment définir le cinéma vérité de Pierre Perrault, André Lavoie? Ce qui est important de souligner, et c'est le fil d'Ariane de la carrière cinématographique de Pierre Perrault, il détestait la fiction. Pour lui, d'abord, il voyait très peu de films, pratiquement aucun film de fiction. Il disait « Je suis autant ému devant le cinéma de fiction que je le suis devant les fleurs en plastique. » Alors, pour lui, le cinéma vérité, c'était important parce que il voulait donner la parole. C'était pas tant montrer à l'image que donner la parole. Il vient de là, à des gens de la complètement. Radio, c'est un homme de. C'est un homme de poésie, c'est un homme de radio, c'est un nationaliste québécois. Et le cinéma, pour lui, c'est un outil pour faire jaillir cette parole. Ouais. C'est pas, contrairement à Michel Brault, qui lui était un amoureux de la caméra, il a suivi des séminaires avec Robert Flaherty, il a fait plein, il a travaillé avec des grands cinéastes à l'étranger. Il ne cessait de peaufiner sa technique, il adorait le cinéma, mais c'était pas le cas de Perrault. Pour lui, la vérité jaillissait devant lui, devant la caméra, et la caméra servait à saisir cette vérité-là. Et il disait souvent, la caméra, entre autres pour le Sud du Monde, la caméra est un acteur, ouais. Elle n'est pas un témoin, elle participe à l'action. Et jusqu'où elle participe à l'action, cette caméra, jusqu'où ce cinéma vérité est encore une fois pure vérité, ou est-ce que la vérité n'est pas un peu, passez-moi l'expression, arrangée avec le gars des vues, Pierre Perrault dans le cas qui nous occupe. On écoute Perrault, vous allez voir, c'est intéressant sur sa démarche, l'extrait qui suit. Il nous parle du point de départ de Pour la suite du monde, mais vous allez voir, on devine un peu la méthode Perrault. Il n'y a pas eu de scénario à aucun moment. Le film est basé sur une idée qui est la suivante. Je connaissais passablement les gens de l'Île aux Coudres. J'avais déjà fait un film à travers les hivers à l'Île aux Coudres, plusieurs émissions de radio. Et je savais que la pêche à marsouin, pour eux, la pêche au marsouin, qui était abandonnée depuis une quarantaine d'années, avait énormément d'importance dans, j'irais jusqu'à dire, dans leur mythologie. Quand ils en parlaient, ils s'enflammaient, ils devenaient différents, ils devenaient meilleurs, en quelque sorte. Alors je me suis dit que s'ils avaient l'occasion de renouveler, de relever, comme ils disent, la pêche, les anciennes pêches, qu'ils agiraient de façon plus exemplaire et que, par ailleurs, pour en faire un film, j'aurais une trame. Alors, le seul élément de scénario, c'était cette idée de pêche en marsouin qui me servait de trame, mais je ne savais pas du tout ce qui était pour arriver. À partir de ce moment-là, on n'a plus besoin de rien inventer, en quelque sorte. Il suffisait d'assister, de les connaître, d'assister à leurs actes, et de prévoir peut-être un certain nombre de choses, sachant que tel homme pensait de telle façon, et par contre tel autre de façon différente, on trouvait une occasion, un prétexte pour les faire se rencontrer, mais tout est produit par les gens de l'Île aux Coudres. Pierre Perrault à l'émission Partage du jour en 1963, pas de scénario écrit, André Lavoie, mais en même temps une idée autour de laquelle va se construire ce film. C'est Perrault qui provoque le retour de la pêche au marsouin, et c'est la question fondamentale quand on regarde son cinéma, dans quelle mesure il ne fait qu'observer, ou dans quelle mesure il n'arrange pas, il ne met pas en scène le réel, le vécu, la réalité. Je pense que tous les cinéastes et tous les théoriciens du cinéma s'entendent sur une chose. Dès que la caméra est présente quelque part, elle a forcément une influence. Évidemment, à partir de là, est-ce que l'influence est grande, très grande ou minime? Dans le cas de Perrault, comme il avait une connaissance intime de ces gens-là, il le disait d'ailleurs à Michel Brault, avant de cogner à la porte d'une maison à l'Île aux Coudres, il connaissait les gens, il savait un peu qu'est-ce qu'il allait entendre. Donc, évidemment, il disait pas à Alexis Tremblay ou à Léopold Tremblay ou à Grand-Louis Harvey, tu vas dire ci, tu vas faire ça. Mais il se doutait bien que s'il leur disait, ben, parlez-moi de tel truc, il allait avoir une dynamique qui allait s'installer. Donc, c'était pas complètement arrangé par le gars des vues, mais en même temps, il favorisait un climat qui permettait ces échanges-là. Et aussi, le fait, une chose qu'il faut ajouter sur le plan technique, c'est que souvent, il travaillait en micro-cravate et non pas avec une perche, ce qui faisait en sorte que ça facilitait encore plus le côté dégagé, agréable des échanges, parce qu'il n'y avait pas toute une technique encombrante autour. Et donc, avec un micro-cravate, souvent, les personnages oubliaient des fois qu'ils étaient enregistrés, filmés, ce qui rendait les échanges encore plus conviviaux. Mais c'est une connaissance des gens avec qui il travaille, une sensibilité qu'il a, qui fait qu'il sait saisir les occasions, provoquer les occasions. Tout même la bête lumineuse plus tard, c'est pas la pêche au marsouin, mais ce sera donc... Mais c'est l'idée de la quête d'un animal inaccessible. Oui. c'est toujours ça. Et là, ce sera autour films. D'une partie de chasse. Tout il se dit, fait. Je réunis ces hommes-là dans un camp, il va se passer quelque chose. Il Tout le sait, ça. Tout à fait. Ouais. Mais à partir de là, c'est le génie de Perrault, mais c'est aussi le génie de Michel Brault, d'être à la fois à l'affût et à l'écoute. Parce que Michel Brault aussi, c'est un homme de caméra, il a un regard extraordinaire, mais il écoutait aussi beaucoup. Il était capable de sentir les choses dans les scènes de réjouissance ou de discussion à bâton rompu. Il était capable de savoir comment les choses allaient aller et il était capable d'observer aussi ceux qui écoutaient ou qui allaient intervenir. Et rajouter à ça le montage extraordinaire de Werner Herzog qui dynamisait encore plus tous ces échanges-là qu'on voit dans le film. Et qui est fondamental dans les films de Perrault, dans Pour la suite du monde et tous les autres. S'il n'y a pas d'écriture avant le film, il n'y a pas de scénario écrit, est-ce que chez Perrault, l'écriture ne se passe pas, ne se produit pas au montage? Pas totalement. Non? C'est sûr qu'il y a quand même, un bon travail d'écriture dans la mesure où ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est assez étonnant, c'est que la gestation de ce film-là était assez longue et à un moment dans la préparation du film, il se disait, je devrais faire un téléthéâtre, je devrais écrire quelque chose inspiré de ces personnages-là qui joueraient leur propre rôle. Et Radio-Canada, à l'époque, n'était pas très intéressé. Et ce sont les gens de Radio-Canada qui ont dit à Pierre Perrault, mais va donc à l'ONF, peut-être qu'eux, ça les intéresserait davantage. Et c'est Fernand Dansereau, le producteur, qui a eu cette idée de génie de dire à Pierre Perrault, écoute, j'ai un excellent caméraman, un directeur photo qui s'appelle Michel Brault, allez ensemble, allez au coude et voyez ce que vous pouvez faire. Et c'est comme ça que c'est devenu un documentaire et que c'est devenu un exemple emblématique du cinéma direct. Mais au départ, Perrault avait beaucoup écouté, enregistré et écrit sur ce sujet-là. Et la forme que ça devait prendre au départ, c'était pas du tout ce que l'on voit dans Pour la suite du monde. Donc c'est vraiment le mariage, en fait. Perrault et Brault font vraiment équipe. C'est fondamental. C'est pour ça que c'est un grand film. Je crois que le film ne serait pas aussi achevé, ne serait pas aussi sublime, ne serait pas aussi extraordinaire si, d'une part, il n'y avait pas la connaissance profonde de Pierre Perrault pour ses magnifiques personnages, mais aussi la technique extraordinaire, le regard plein d'acuité de Michel Brault, qui était déjà à l'époque un as de la caméra. Et ce sont ces deux talents réunis qui font que Pour la suite du monde et plus tard les deux autres films de la trilogie Le règne du jour et Les voitures d'eau, qui vont faire de cette trilogie et surtout de ce film un incontournable du cinéma québécois. Et je pense que c'est clair que cette alliance-là a donné un grand film. Séparément, je suis moins convaincu. Ouais. Et ce grand film-là, il sera reconnu par les gens qui font la sélection des films à Cannes. C'est le premier film, le premier long métrage canadien qui va être présenté en compétition officielle à Cannes. Comment est accueilli le film à Cannes? On écoute quelques réactions de festivaliers recueillis à l'époque par Pierre Nadeau en 1963, suivi du commentaire de Michel Brault à l'émission Trajet et Recherche en 1991. Magnifique en tout. Ouais, comme sentiment, comme tradition, comme réalisation. Eh bien, écoutez, le Canada, merci beaucoup, sans doute. Merci beaucoup, madame. Magnifique. Ça a une dimension extraordinaire. On sent absolument la personnalité du metteur en scène à chaque plan, malgré qu'il y ait soi-disant pas d'intervention. C'est absolument extraordinaire. Mais est-ce que vous croyez que ce film méritait d'être présenté au festival? Ah oui, absolument. Puisqu'il n'est pas dans la tradition. C'est un film d'auteur. Enfin, c'est un film absolument. Enfin, il a composé de bout en bout. Il l'a senti. C'est merveilleux. Merveilleux. Je pense qu'il devait y avoir une grande partie du public qui aimait ça. Mais nous, ce dont on entendait parler, c'était plutôt les gens qui sortaient pendant la projection parce qu'ils n'étaient pas tout à fait habitués. Et en 60, dans les années 60, il ne faut pas oublier que c'est le début de la nouvelle vague, que c'était la période des starlettes qui battaient son plein à Cannes, qui arrivait avec un documentaire sur les habitants de l'eau coudre et la pêche au marsouin, c'était un peu nouveau. Il faut imaginer que présenter le film, projeté au moins deux fois à Cannes, André Lavoie, la projection du matin, où se retrouvent les cinéphiles, les journalistes, se passe plutôt bien, mais la projection du soir à 23 heures, cette faune canesque en smoking, faut imaginer le choc de voir la pêche au marsouin dans le fleuve du Saint-Laurent. Dans le fleuve Saint-Laurent, ça enlève rien à la qualité du film. Quel impact il va avoir, ce film-là, lors de sa projection à Cannes? Je crois que, en soi, le fait que le film soit présenté à Cannes, c'est un exploit extraordinaire. D'autant plus que faut quand même souligner que c'est le premier long métrage produit par l'Office national du film et ça aura un électrochoc sur l'institution. Il faut savoir que l'équipe française de l'ONF, tous les jeunes cinéastes francophones de l'ONF, tapaient du pied et voulaient s'imposer. Et c'est comme ça que le cinéma direct a pu éclore à l'ONF. Et donc, Pour la suite du monde, devenait l'exemple emblématique des capacités de l'équipe française de l'ONF à faire de grands films. Et en plus, de présenter ces films-là à Cannes, ce qui n'est pas rien. Ça, c'est fabuleux quand même. Le premier long-métrage de l'ONF qui se retrouve à Cannes, à quel électrochoc. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est sûr que par la suite, ça ne sera pas un succès immédiat. C'est sûr que les gens vont apprécier. Le film sera rapidement présenté à la télévision de Radio-Canada. Mais c'est reçu comment, ici? Écoutez, il y aura un discours critique autour du film, mais un discours assez modeste. Et c'est au fil du temps, grâce entre autres au développement des ciné-clubs, au développement de l'ONF et au développement des études cinématographiques et aussi au développement du discours de Pierre Perrault autour de ses films. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de théoriciens du cinéma qui s'intéressent au cinéma de Perrault, parce que lui-même, Perrault, écrit beaucoup sur ses films. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'il y aura une documentation très abondante autour du cinéma de Pierre Perrault, et particulièrement sur la trilogie des Locoudes, parce que Perrault a beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit là-dessus. Ouais. Souvent, il faisait des films et après, il publiait des livres. Est-ce que c'était planifié, cette trilogie, ou si c'est ce qui est devenu pour la suite du monde qui fait que Pierre Perrault se dit on continue? Tout à fait, parce que les personnages, comme on le voit dans Pour le sud du monde, ils sont d'une grande richesse. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a des personnages qui, dans Pour le sud du monde, sont plutôt discrets et qui vont prendre de plus en plus d'importance dans la trilogie. Je pense particulièrement au personnage de Marie Tremblay, la femme d'Alexis Tremblay, qui, dans Pour le sud du monde, on la voit à peine, on l'entend très peu, et qui, d'un film à l'autre, va prendre de plus en plus d'importance, au point même d'effacer le très coloré Alexis Tremblay. Et donc, il y a... et c'est pour ça qu'il y a un côté un peu mythologique, c'est que tous ces personnages-là sont tellement riches, sont tellement généreux de leurs paroles, de leurs souvenirs, de toutes leurs traditions, que c'est un immense réservoir à histoire et à personnages dans lequel Pierre Perrault puise abondamment. Et on boucle la boucle, mais ce film-là est encore une fois un film déterminant. Le gouvernement du Québec vient de le reconnaître. De quelle manière ce film a été important pour la suite de notre cinéma national, André Lavoie? Parce que le cinéma direct trouvait dans Pour la suite du monde l'exemple parfait de ce qu'il faut faire lorsqu'on fait du cinéma direct, être à l'écoute, être attentif, être respectueux, et ça a donné le ton à tout un pan du cinéma québécois, du cinéma documentaire comme du cinéma de fiction, parce que le cinéma direct a aussi beaucoup influencé le cinéma de fiction au Québec, et ça reste une borne, un jalon essentiel, et tout documentariste québécois, quel qu'il soit, quelles soient ses ambitions, doit voir et revoir Pour la suite du monde, parce que on trouve là, et peut-être que le mot va sembler exagéré, mais on trouve là du génie. Oui. Et c'est ce qui fait donc que ce film, depuis peu, est officiellement reconnu comme événement historique. Et il le mérite pleinement. André Lavoie, merci beaucoup. Ça a été un plaisir, comme toujours. Merci. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.